l'amour, ça ne devrait jamais finir, jamais mourir. Jour après jour, j'ai vu partir mon seul amour. Elle dort là-bas, elle ne sait pas que le printemps est de retour. Une histoire d'amour, quand est venue la dernière heure du dernier jour, je l'ai tenue entre mes bras, tout contre moi. Elle me disait, tu ne dois pas, il ne faut pas pleurer sur moi. Pleurer sur moi. Pour nous, un jour viendra où nous serons ensemble pour toujours. Et ce jour-là, comme autrefois, nous aurons l'infini. Non, rien n'est fini, n'oublie pas. Perdu dans la nuit, je pense à toi que j'aime. Une histoire d'amour, c'est la fraîcheur en plein été d'un jour de pluie. La solitude est repartie avec l'oubli. On est à deux pour écouter venir à nous l'éternité. Et je t'attends, ce soir le printemps est de retour, mon amour.